Chapitre 7e. La maison d'Evillot devint un centre où se réunirent bientôt les camarades d'école avec lesquels Charles avait conservé des relations. Quelques-uns d'entre eux étaient mariés. Chaque vendredi, par série, Madame Viaud donnait un dîner suivi d'une soirée tout intime. Sur le désir exprimé par la maîtresse de maison, l'habit noir était rigoureusement exclu. Il ne faisait son apparition qu'au jour carillonné. Rien de curieux, comme cette assemblée de jeunes hommes sortant tous de la même école et se retrouvant dans des situations diverses. Pont et chaussée, mine, génie maritime, artillerie, inspection des finances, génie militaire. Toutes les carrières dépendantes de l'école polytechnique étaient représentées dans ce salon. Charles, continuant ses traditions, attirait ses amis dans son cabinet de travail sitôt après le dîner. Là, on fumait, on prenait le café. Les cigares exquis et les cigarettes encombraient les plateaux de lac, et les conversations allaient leur train. Souvenirs d'école, discussions scientifiques, chacun, se sentant à l'aise, parlait comme autant des promenades dans les cours de la rue Descartes. Il n'est pas besoin de dire que les femmes étaient exclues de ce cénacle enfumé. Contraintes de faire bande à part, elles restaient ensemble dans le salon, causant théâtre ou chiffon, à peine distraites par la présence de rares hommes ne fumant point. Le marquis de Soutis, qui ne manquait pas un vendredi, s'était rangé naturellement du côté des femmes, parmi lesquelles il ne distinguait que Julie. À l'heure du thé seulement, les enragés causeurs daignaient se rendre au salon, où ils demeuraient jusqu'au moment du départ. Monsieur de Soutis, pour rendre les politesses qu'il recevait dans la maison de l'avenue des Champs-Élysées, avait choisi lui aussi un jour où il réunissait Charles et sa femme, l'inévitable Madame Breton et Valère et Marguerite, le jour où ils pouvaient se faire libre. N'ayant pas de maison montée à Paris, on avait convenu, d'un commun accord, que le dîner du samedi aurait lieu au cabaret. Les femmes surtout trouvaient cela fort amusant. C'était le café anglais qu'on avait choisi. Au jour fixé, trois salons du premier étage étaient réservés. L'amphitryon avait fait venir un piano excellent, car à ses invités de fondation venaient se joindre des hommes de lettres, des peintres et des musiciens qui y passaient la soirée, et tout ce monde menait la vie de garçon joyeusement comme au temps des folles équipées. Les heures marchaient vite, et les convives étaient étonnés que les entretiens littéraires ou la musique eussent fait si rapidement marcher la pendule lorsque, sur le cadre en émail, les aiguilles indiquaient 2 heures du matin. Charles Viaud, contre toute attente, prit un grand plaisir à ces réunions. Il fut vraiment émerveillé de la variété des connaissances du marquis, qui était plus qu'un dilettante, mais un véritable artiste, au goût sûr, ennemi de toute convention, accessible aux manifestations nouvelles, dans quelques branches de l'art qu'elles se produisent. La raideur de son caractère avait fini par s'assouplir. Cette distraction à ses travaux arides, positifs, lui manquait maintenant si une circonstance exceptionnelle empêchait la réunion du samedi. Combien de fois, en rentrant chez lui avec sa femme, dans la douce chaleur du coupé, se surprit-il à dire « Je comprends l'ascendant qu'exerce le marquis sur ceux qui l'entourent. Évidemment, c'est un rêveur, mais son charme vous entraîne, malgré soi, dans des métaphysiques sensationnelles qui, prises à petite dose, ont bien leur prix. Son érudition est surprenante. Elle en fait un homme intéressant, sans fatigue pour qu'il écoute, tout au contraire. » Et Julie entendait ses éloges, que son cœur trouvait encore trop faible, toute heureuse de sa vie qu'elle avait divisée en deux parts, d'un côté son mari, positif, autoritaire, toujours absorbé et auquel maintenant elle savait gré de lui éviter ses tendresses, de l'autre, monsieur de Soutis, qu'elle sentait bien à elle, dont l'âme poétique l'enveloppait tout entière. Leur situation à tous deux eût été bien difficile, sans les délicatesses d'esprit de celui qu'elle se surprenait à aimer toujours et de l'amour duquel elle était assurée. Dans ces conditions, son mariage avec l'autre devenait supportable. Puis, elle éprouvait une joie sincère à voir la santé de M. Soutis reprendre peu à peu et redevenir florissante. Ne s'était-elle pas accusée d'être la seule cause de la maladie dont il avait failli mourir? Et maintenant, grâce à elle, il revenait à la vie. Elle l'avait perdu, elle devenait son sauveur. L'hiver passa rapidement. Les réceptions, les quelques bals, les obligations mondaines et les spectacles hâtèrent la marche du temps. Mais si, de son côté, Mme Viaud s'acclimatait, grâce au marquis, à la vie nouvelle que, par raison, elle s'était faite, il se produisait chez M. de Soutis un changement nouveau. Épris plus jamais des charmes de Julie, ne songeant exclusivement qu'à elle, distrait de ses travaux parlementaires par l'existence qu'il menait, il se détacha des choses de la politique. Les séances de l'Assemblée de Versailles lui parurent longues et sans intérêt. Il fut moins assidu aux travaux des commissions auxquelles il se donnait autrefois avec plaisir. Ses perpétuels voyages entre Versailles et Paris occasionnèrent fatalement des absences que ses collègues remarquèrent à la longue. Il donna bientôt sa démission de secrétaire de son groupe, prenant pour motif les conseils de son médecin, toute tension d'esprit lui étant interdite. Ses lettres, que chaque courrier apportait nombreuses et auxquelles autrefois il répondait avec exactitude, restèrent enfermées sous le secret de leur enveloppe. Il se rendait bien encore à de rares intervalles dans son département. Mais les réclamations dont il était l'objet, de la part de ses électeurs, lui rendirent ses voyages odieux. Il finit bientôt par ne plus mettre du tout les pieds à l'Assemblée. La marquise était revenue de La Roche-Cesson dans le courant de décembre pour les vacances de ses fils. Elle avait décidé de prolonger son séjour. Les lettres, rares cependant, de son mari, l'avaient complètement rassurée sur sa santé. Sa présence à l'hôtel de la rue des Bourdonnais contraria M. de Soutis, sans qu'il s'en rendît compte. L'habitude de vivre seul dans cette grande maison était venue sans regret. Maintenant, les allées venues de sa femme lui pesaient. Il s'en affranchissait cependant souvent par ses fréquentes absences. Mais la pensée de la savoir là, toujours, l'irritait d'autant plus que par éducation, il n'en laissait rien paraître. Celle-ci, surprise d'abord du changement d'existence de son mari, de l'abandon de ses travaux de prédilection, finit par soupçonner l'influence de Julie. Une visite de Madame Breton suffit pour l'édifier complètement. Aussi, lorsque les vacances du jour de l'an furent terminées, que Maurice et Lucien eurent réintégré la rue des Postes, elle prévint M. de Soutis de son départ pour Rambouillet. « Il y a longtemps que je suis privé du grand plaisir de voir ma fille. Les quelques visites qu'elle m'a faites en courant ne sauraient lui suffire. Je veux passer quelques semaines auprès d'elle. » « Mais son mari, » fit ironiquement le marquis. « Quand on ne peut faire autrement, mon cher Georges, il faut vivre avec son mal. Je reconnais volontiers mon injustice pour ce brave garçon. Je ne puis pas être non plus plus difficile que mon père et ma mère, qui l'ont fort apprécié. Si je me fais, avec regret, à l'idée de voir Marguerite s'appeler Madame Breton, c'est que je pense qu'à l'encontre de bien des femmes, elle a trouvé un mari selon son cœur et qui la rend parfaitement heureuse. Eh bien, allez et embrassez ces chers enfants pour moi. Dites-leur en passant que je me plains cependant de ne pas les voir assez souvent à mes réunions du samedi. » Le marquis n'était pas mécontent de profiter de l'occasion offerte de ne point cacher à sa femme l'emploi de son temps. Ces fameux dîners au café anglais. Madame Breton, qui est, elle, une assidue, ainsi que sa fille et son gendre, m'en avait déjà parlé. J'en eusse fait autant, en vous priant même d'y assister, si je n'avais craint de m'exposer à un refus. Et vous avez raison, mon cher Georges. Je ne suis pas de celle que Madame Viaud attachait à son char. Redevenu solitaire, Monsieur de Soutis, autant par esprit de contradiction que pour se rapprocher de Julie, se persuada qu'il ne pouvait continuer de vivre à Versailles. Les résolutions chez lui étaient prises rapidement. En effet, il arrêta, rue Monsieur, à un appartement où se trouvait un atelier de peintre. Il fut meublé en quelques jours, et c'est avec une satisfaction d'enfant que le samedi suivant, au café anglais, il annonça à ses hôtes l'installation de ce qu'il appela, comme Barbet d'Orvilly, son tourne de bride de sous-lieutenant. Et l'Assemblée nationale, dit en riant Charles Viaud, fort amusé de voir le poète chevaucher un nouveau rêve. Mais l'Assemblée, j'irai la trouver à Versailles, jusqu'au jour où elle viendra à son tour, comme j'en ai le ferme espoir, me retrouver à Paris, répondit sur le même ton le marquis. J'ai donné pendant un an, reprit-il, un assez rude coup d'épaule pour avoir le droit de me reposer un peu et de modérer mon zèle. J'avais par trop négligé vraiment la peinture, c'est à peine si j'en ai fait pendant mes vacances. « En juger par le petit tableau que vous avez donné à ma femme, mon cher marquis, et qu'elle a placée dans sa chambre à coucher, je ne puis que vous louer de votre détermination. À quand le prochain chef-d'œuvre ? Mais bientôt, je vais me mettre dès demain à la besogne. » Après le dîner, comme toujours des plus intéressants et des plus gais, pendant que messieurs Villot, père et fils, en compagnie d'un musicien et de deux peintres de valeur, fumaient dans une pièce voisine, monsieur de Soutis passa au salon, où madame Breton et Julie le rejoignirent. Là, il s'assit au piano et se tournant vers madame Villot, « J'ai besoin de votre avis. Imaginez-vous que pendant ces deux dernières nuits, j'étais poursuivi par une mélodie d'une tournure vraiment étrange, tellement étrange en son rythme que j'ai eu toutes les peines du monde à y adapter une poésie. » Il plaqua 5 ou 6 accords, et d'une voix chaude de baryton, il chanta son œuvre. Ses vers disaient la désespérance d'un poète qui, au soleil couchant, exhalait les tourments de son âme. Les derniers rayons de l'astre disparus, à son tour il entrait dans la nuit éternelle et pour toujours. Les accents de ce cœur en détresse, les sanglots interrompant le récit, étaient d'une telle tristesse que Julie, malgré elle, se prit à pleurer. Lorsque le dernier accord mourut avec la voix, elle prit la main du marquis et, sans s'inquiéter de la présence de sa mère, elle lui dit, au comble de l'émotion, « Pardon, cher ami, de vous avoir fait tant souffrir. Je suis une grande coupable. » Monsieur de Soutis répondit simplement, « Ça vous plaît ? Permettez-moi de vous en faire la dédicace. Je vous apporterai la chose écrite vendredi prochain. » Julie écrasa fortement ses larmes. Il était temps, son mari et les autres invités entraient au salon. « J'ai entendu à distance, fit le musicien, quelque chose qui m'a paru d'un caractère curieux et bien original. De qui est-ce ? Du marquis de Soutis, répondit madame Villot. Oh, jouez-nous cela. Sans se faire prier, le marquis recommença. Savez-vous que c'est très bien, mais très bien, affirma le compositeur, et fort habilement harmonisé. Tous mes compliments, mon cher maître. On voit bien que les vers sont de la même main que la musique. C'est le seul moyen du reste d'écrire musicalement. Mais ne laissez pas cette mélodie dans les cartons. Faites-la graver, j'en retiens un exemplaire. Je n'accepte, mon cher ami, qu'une fort mince partie de vos compliments, et diminués ainsi, venant de vous, ils me sont précieux. Il ajouta, « Vous savez, monsieur Villot, que votre femme m'a fait l'honneur d'en accepter la dédicace. Je l'approuve et vous en remercie. » Avant de se séparer, on s'entendit pour visiter ensemble l'appartement de la rue Monsieur. Ainsi s'écoulait maintenant l'existence de ces deux êtres violemment séparés et que le hasard de la vie avait fait se ressaisir. Un soir, en rentrant dîner, Charles Villot parut plus préoccupé que de coutume. Sa femme s'en inquiéta, mais fidèle à sa détermination prise de ne point l'interroger, elle garda le silence. Elle ne lui avait jamais vu aussi sérieux visage. Aurait-il appris quelque chose ? En effet, elle remarqua qu'une certaine tristesse s'ajoutait à la dureté ordinaire de ses traits. Tout à coup, Charles rompit le silence, soupira longuement et lui dit « J'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer, ma chère Julie. Il faut que je parte pour un lointain voyage. Par conséquent, je vais faire une longue absence. Le service a quelquefois de dures exigences. Mais à quoi sert de récriminer lorsqu'il n'y a qu'à obéir ? Je suis obligé d'aller à La Havane pour le compte du gouvernement et je prends dans 6 jours le paquebot des messageries. » Julie affectait de se désintéresser des occupations de son mari. Dans la crainte de le mécontenter, elle avait évité de le questionner sur ce sujet. Elle savait donc, d'une façon générale, que M. Villot, ingénieur adjoint à la manufacture du tabac, s'occupait d'analyser les feuilles des plantes fournies par la culture française, ainsi que les tabacs et les cigares achetés dans les plantations de l'île de Cuba. Cependant, elle se hasarda. Je croyais jusqu'à présent, mon cher Charles, que tes occupations t'attachaient à ton laboratoire de chimie, à des dégustations, et enfin à la rédaction de rapports spéciaux. Tu te trompais. Le gouvernement français a là-bas sur place un ingénieur qui s'occupe du contrôle et des marchés, qui doivent intervenir entre les planteurs et l'État. Or, une grosse nouvelle est parvenue au ministère des Affaires étrangères. Les Allemands continuent la guerre contre la France par tous les moyens possibles. Ils tentent à présent de nous vaincre sur différents marchés. Des commerçants ont envoyé des acheteurs pour faire table rase et accaparer les meilleures plantations, de façon à nous rendre leurs tributaires. Plusieurs grosses maisons de La Havane ont déjà traité avec eux. J'ai été désigné pour arrêter nos ennemis dans leur marche ascendante et m'entendre directement avec certains planteurs. Mon absence peut donc durer 2 mois, 3 au plus. Ce n'est pas sans regret profond, tu dois le comprendre, que j'entreprends ce voyage. La pensée de te laisser seul se complique de la préoccupation que me donne la responsabilité qui m'incombe. Il faut un impérieux devoir pour que je me détermine à cette longue séparation, presque au lendemain de notre mariage. J'avais pensé un instant à t'emmener. Mes réflexions faites, je n'ai pas le droit de te faire courir les chances d'une traversée qui n'est pas dangereuse par elle-même. Cependant, avec la mer, on ne sait pas ce qui peut arriver. Tu vas donc rester seul à la maison. Ta mère, ton frère et ta belle-sœur, mon père et notre ami le marquis de Soutis te tiendront compagnie et tâcheront d'adoucir ta solitude pendant mon exil forcé. Il faut leur écrire pour leur annoncer cette nouvelle et les réunir avant mon départ. Je tiens à leur serrer la main et à faire appel à leur affection pour ce qui te concerne. Julie envisagea ce voyage avec un sentiment de crainte. Non point que cette longue absence lui causât un trop vif chagrin, mais elle se défiait d'elle-même. Charles ne parla plus de sa mission jusqu'au jour où ceux qu'il avait conviés se réunirent chez lui. Son air absorbé disparut dans l'activité qu'il montrait à faire ses préparatifs. Il marqua même plus de laisser-aller et quelques tendresses à sa femme, ce qui surprit les membres de sa famille et monsieur de Soutis. Il parlait d'une voix moins brève, s'efforçant même d'être aimable, en leur demandant de s'occuper plus particulièrement de madame Viau. Celle-ci lui proposa de l'accompagner jusqu'à Bordeaux, mais il refusa net. À mon avis, il est inutile de prolonger les adieux. Cela ne sert qu'à aviver le chagrin et les regrets de celui qui part et de celui qui reste. Il embrassa son père et madame Breton, qui pleurait en étouffant des petits cris d'enfant. Il serra la main de Valère, mit un baiser au front de Marguerite et se tournant vers le marquis. « Quant à vous, mon cher ami, vous êtes trop l'ami de Julie pour que j'insiste davantage. L'affection dont vous avez donné tant de preuves à la jeune fille ne fera pas défaut à la femme, j'en suis certain. » Le lendemain, il se rendait seul, avec un domestique qui l'emmenait avec lui à la gare d'Orléans. Il prit le rapide de 8 heures. Il avait quitté Julie sans émotion apparente. Avec sa force de caractère habituelle, il voulait éviter de la part de sa femme un adieu trop déchirant. Pendant les premiers jours, madame Viau, mue par un sentiment bizarre, ferma sa porte. Elle ne fit d'exception qu'en faveur de Marguerite et de sa mère. Monsieur de Soutis en conçut un réel chagrin. Il vint cependant régulièrement, 2 fois dans la journée, prendre des nouvelles de la jeune femme. Un soir même, il attendit, dans l'avenue des Champs-Élysées, que sa fille sortit de chez sa belle-sœur pour tenir d'elle l'explication de cette rigueur. Marguerite ne sut que répondre. Elle attribua la résolution passagère de son amie au profond chagrin que celle-ci ressentait du départ de son mari. « Mais rassurez-vous, mon cher père, Julie ne pourra pas longtemps se passer de votre bonne affection. Je lui dirai néanmoins la peine que vous cause sa résolution. » Une semaine ne s'était pas écoulée que le marquis était reçu de nouveau par madame Viau. Je n'ai rien compris aux raisons qui vous ont fait fermer votre porte à un ami comme moi. Excusez-moi, j'étais folle. Je me suis méfiée de moi-même. Maintenant que je suis tout à fait aguerri, nous nous verrons souvent, cher ami. Suis-je donc si redoutable? Croyez-vous qu'après les angoisses subies, les chagrins dévorés, les nuits sans sommeil, seul à seul avec mon cœur déchiré, je ne sois pas devenu invulnérable? La douleur m'a fait une cuirasse sûre. La réflexion est entrée dans mon cerveau et l'a convertie. La réalité, la triste réalité, est venue, s'est montrée à moi, et elle a pris soin de couper les ailes de mes rêves. Je ne me défie plus de moi. Merci, vous êtes le meilleur. Vos paroles me rassurent, dissipent mes mauvaises pensées. Qui nous force aujourd'hui à conspirer contre notre repos? Votre mari dirait notre devoir. Nous dirons le respect des heures bénies que nous ne reverrons plus. À partir de ce moment, Madame Viaud partagea son existence entre ceux auxquels son mari l'avait tout particulièrement recommandée. Marguerite et Valère eurent leur jour aussi bien que Madame Breton et que le papa Viaud. Monsieur de Soutis, lui, était de toutes les réunions. D'autres fois, c'était le tour de Julie d'aller chez les siens. Elle passa 6 jours à Versailles. Un peu plus tard, son frère la garda une semaine à Rambouillet. Monsieur Viaud, père, enfin, lui fit installer un charmant appartement dans la grande maison qu'il possédait au centre de ses exploitations. « Ici, lui dit-il, vous êtes chez vous. Disposez de tout, des gens et des bêtes. Seulement, ne m'en veuillez pas, ma chère petite, de ne vous tenir compagnie que fort irrégulièrement. L'industrie a des exigences auxquelles on ne peut se soustraire. » La jeune femme profita de ses bonnes hospitalités, mais combien plus elle préférait la compagnie du marquis de Soutis. Le marquis, plus alerte, plus séduisant que jamais. S'ingénia lui trouvait toujours des distractions nouvelles. N'écoutant que son amour, insoucieux de l'opinion du monde, il menait de préférence Julie, avec qui il jouait le jeu dangereux de la camaraderie, dîner dans la salle commune d'un grand restaurant pour aller ensuite, comme une paire d'amis, au théâtre, où, de préférence, il s'enfermait dans l'ombre d'une baignoire, là, tout près l'un de l'autre. Il suivait curieusement la pièce, ou bien écoutait, perdu dans le rêve, les phrases d'un opéra. Petit à petit, l'habitude aidant, leurs conversations devinrent moins générales. Le sujet, emprunté fatalement au milieu où ils se trouvaient, devint invariablement le même, ils ne parlaient que d'eux, rapportant à eux seuls les spectacles entrevus. Alors ils remontaient le cours des mois, et s'arrêtaient à la vie heureuse qu'on menait au tilleul. Une fois sur ce terrain, ils parlaient, détachés des objets qui les entouraient. Le spectacle qu'ils n'avaient pas écouté finissait, ils se surprenaient, la main dans la main, le regard perdu, dans un autre monde, causant à voix basse de leur bonheur passé. Les moindres accidents de leur existence de cette époque revenaient à leur mémoire, nets et précis. Quelquefois, un souvenir gai traversait leur esprit, et ils riaient de bon cœur, comme deux enfants échappés à la vigilance de leur maître. La fameuse peinture, là-bas, sous les grands arbres, à Chantoiseau. Un autre jour, sur la demande de Julie, Monsieur de Soutis, se faisant cicérone, la conduisait au Louvre, qu'elle connaissait à peine, et lui apprenait à admirer les œuvres des maîtres, qui devenaient des révélations. Ils allèrent ainsi au Luxembourg, regarder l'étoile des contemporains, aller voir, arrêter devant un paysage de coraux ou une mare de Daubigny. On les eut pris pour deux artistes étrangers, visitant pour la première fois ce grand Paris où il y avait tant à voir. Ils vivaient ainsi isolés, l'un pour l'autre, indifférents à tout ce qui les entourait, à tout ce qui n'était pas eux. Combien de fois le marquis se retourna-t-il, cherchant à reconnaître quelqu'un qui, passant près de lui, l'avait salué. Madame Viaud s'accoutuma bien vite au plaisir inavoué qu'elle éprouvait en compagnie de son amie d'excursion. Elle négligea Valère et Marguerite, et inventa des prétextes nombreux pour éloigner sa mère, qui n'aurait pas demandé mieux que de les accompagner dans leurs promenades et d'être, comme elle disait, de toutes ses parties fines. Il arriva pourtant un jour où elle réfléchit et se demanda si la continuelle présence de M. de Soutis à ses côtés ne finirait pas par susciter les propos des méchantes langues. Elle fit part au marquis de ses craintes. M. de Soutis, vivant plus que jamais dans le vague, se rendit néanmoins à cette observation. Ils arrêtèrent, d'un commun accord, un nouveau plan qui leur permit de se voir sans s'exposer plus longtemps aux calomnies. Mais à l'avenue des Champs-Élysées, ils ne se sentaient point chez eux. Sans se le dire, ils éprouvaient une certaine contrainte à se trouver dans cet appartement, où chaque chose leur rappelait la présence de l'absent, dont ils avaient toujours évité de parler. Ils choisirent alors, comme lieu de rendez-vous, l'appartement de la rue Monsieur. Là, ils étaient chez eux, loin des visiteurs indiscrets, au bout du monde. Cet appartement, en effet, comprenait le rez-de-chaussée et le premier étage d'un vieil hôtel situé entre une cour au pavé moussu et un jardin rempli de vieux arbres. La propriétaire de la maison, une vieille dame fort pieuse, ne sortant qu'aux heures des offices, habitait le second. Le grand salon, dont les hautes fenêtres ouvraient sur un balcon de fer forgé, surplombant le jardin, avait été converti en atelier et contenait sous ses lambris sculptés à plein bois les meubles anciens, bahuts et crédences, les tapisseries, les cuivres et tous les objets de curiosité devenus depuis quelque temps fort à la mode. De longs et profonds divans couraient le long des plinthes, sous l'amoncellement moelleux de coussins d'Orient. Du plafond pendait un immense lustre hollandais de cuivre rouge. C'est là que maintenant Madame Viaud venait presque tous les jours vers 2 heures. Dans les premiers temps, sa voiture l'hymnait. Mais les visites se succédant, elle se méfia de ces gens et prit un fiacre. Un après-midi, Madame Viaud, en entrant dans l'atelier, fut toute surprise de voir Monsieur de Soutis assis devant son chevalet, en train de peindre de mémoire la maisonnette du garde forestier de Chantoiseau. Elle avait soulevé doucement la lourde portière, s'était avancée à pas discret, étouffée par la haute laine du tapis de Smyrne. Le marquis ne l'avait pas entendue, et pendant que sa brosse courait sur la toile, des larmes silencieuses coulaient le long de ses joues. D'un mouvement instinctif, spontané, auquel elle ne put résister, Julie se précipita vers lui, et comme il se levait, tout étonné, il sentit qu'elle l'embrassait dans une chaleureuse étreinte. Le feu, un grand feu de bois, pétillait dans la cheminée. À baiser reçu, baiser rendu, et tous deux, oublieux du présent, revécurent les heures écoulées dans la chambrette, aux images ridicules, perdues au fond des grands bois. Madame Viaud reprit ses sens la première. Le marquis, au contraire, l'œil attiré par une vision lointaine, demeurait extasié. « Le courage nous a manqué, » fit Julie rougissante. « Aussi l'épreuve était au-dessus de nos forces. » À son tour, elle devint triste. La pensée de son mari, qu'elle n'aimait cependant pas, se présenta à son esprit. Elle s'en voulait de sa faiblesse, se disant que tant qu'elle avait été jeune, indépendante, elle pouvait disposer d'elle, mais aujourd'hui, qu'elle était liée par la loi, elle n'avait pas le droit de donner, sans faillir au plus sacré des devoirs, un bien appartenant à celui dont elle portait le nom. Mais, se ressaisissant bien vite, prompte comme toujours à prendre une décision, elle chassa loin d'elle son remords. Était-elle, après tout, la seule femme qui eût cédé à sa passion? Et dans cette passion déjà ancienne, elle trouva l'excuse de son acte. Elle revint au chevalet et examina la toile attentivement. « Votre mémoire est fidèle. » Puis se tournant vers lui, « Il me vient une idée folle. Ne riez pas, je vous en prie. » Me voici tout d'un coup poursuivi par l'ardent désir d'aller revoir les tilleuls et de parcourir avec vous ce chemin à jamais précieux, du château à Chantoiseau. Vous savez bien que je ne sais rien à vous refuser. Mais un pareil voyage serait-il prudent? Il y a à peine 2 mois qu'il est parti, et sa dernière lettre ne fait pas mention d'un prochain retour. Eh bien, ma chère âme, va pour le voyage. Je dois aller auparavant passer 2 jours à Versailles. Je serai à Paris lundi prochain. Le lundi suivant, à midi, Madame Viaud, tenant à la main un minuscule sac de voyage en cuir de Russie, le visage couvert d'un voile épais de dentelle noire, était assise dans un des fauteuils de la salle d'attente des premières à la gare Saint-Lazare. Elle avait pris un billet pour Saint-Lambert. À son tour, le marquis entendait la salle et vint la saluer. Au bout d'un instant, l'employé ouvrit les portes et tous deux montèrent dans un compartiment. Devenus plus prudents, pour attirer moins l'attention, ils avaient évité de faire réserver la voiture. 3 autres voyageurs prirent place auprès d'eux. Julie conserva son voile pendant le trajet. Du coin où elle était adossée, le poignet placé dans l'embrasse, elle regardait courir les paysages, fermes, châteaux, bois, prés et vallons apparaissaient derrière la vitre pour disparaître aussitôt comme des images emportées dans la rapidité du train. Le marquis lisait, tirant à tout moment sa montre. Que le temps leur parut long. « Saint-Lambert, Saint-Lambert !» cria enfin le conducteur. Madame Viaud descendit de la première, comme il était convenu, et remit son billet en passant rapidement. Monsieur de Soutis, au contraire, s'arrêta pour causer un instant avec le chef de gare. Il expliquait son voyage auquel il donna un prétexte enfantin, un dossier oublié au tilleul. À son tour, il remit son billet et s'engagea sur la route. Au bout de quelques mètres, il rejoignit Julie qui lui sourit doucement, mais il la dépassa bien vite, comme s'il ne la connaissait pas. Ses précautions enfantines, le mystère forcé dont il entourait son aventure, le charmait comme un amoureux de 20 ans. Il arriva au château que Barrican gardait seul, en l'absence de ses maîtres. Le brave homme, au bruit de la grille refermée, était accouru. Oh, monsieur le marquis, s'écria-t-il, tout joyeux. Faites moins de bruit et préparez ma chambre, dressez-y mon couvert. Mais que désire, monsieur le marquis? Ne vous inquiétez pas, j'ai tout ce qu'il faut dans cette mallette. Je retourne de Spa à Saint-Lambert pour une affaire importante, et je ne reviendrai au château qu'à 8 heures. Couchez-vous d'ici là. Je vous le répète, je n'ai besoin de personne. Barrican obéit sans répondre. Monsieur de Soutis reprit le chemin de Saint-Lambert, pénétra dans le pays. La nuit tombait. Il frôla les fenêtres de la petite auberge où l'attendait Madame Viaud. Elle était assise dans le coin le plus obscur d'une salle qu'éclairait la lumière fumeuse d'une lampe à pétrole. Julie vit l'ombre derrière la vitre, jeta une pièce de monnaie pour payer le verre de sirop infâme auquel elle n'avait point touché, sortit et rejoignit son compagnon sur la route. Pas une âme, dans l'unique rue du village. Le quart moins de 8 heures tintait à l'église du Crétois. « Venez, » dit-il silencieusement, « personne ne vous verra. » Ce n'est pas sans émotion qu'elle passa la grille des tilleuls. Tout dormait dans la maison. Une seule lumière, au premier étage, trouait l'ombre de sa lueur scintillante d'étoiles. La maison de Barrican était dans l'obscurité. Parvenu dans la chambre, le marquis serra la taille de Julie, qui retirait son chapeau, l'approcha de lui et la baisa silencieusement au front. Elle se dégagea en souriant et lui dit « Laissez-moi faire mon office de ménagère, comme un chante-oiseau. » Le lendemain, de très bon matin, le marquis descendit sur la pelouse, couverte d'un tapis de gelée blanche, appela son garde, lui donna une course à faire pour se débarrasser de sa présence et éviter une indiscrétion. Madame Barrican était à l'étable et les enfants dormaient encore. Dès que Barrican eut disparu, Madame Viaud, son sac à la main, le visage couvert de son même voile, descendit à son tour. Ils s'engagèrent bientôt tous les deux sous le grand bois chenu, aux branches noires et tordues, qui les mena à Chantoiseau. De loin, se dissimulant derrière les troncs ravinés des chênes, ils contemplaient la maisonnette si chère à leurs souvenirs. Les poules picoraient dans l'enclos. Par les fenêtres ouvertes, ils virent la vieille ménagère vaquer aux soins de son modeste intérieur. Rien n'était changé dans ce lieu témoin de leurs premiers épanchements, où leurs cœurs avaient battu à l'unisson. Rien, hormis les arbres, dépouillés de leur épais et gras feuillage, et le sol que ne couvrait plus ni le gazon frais, semé de fleurettes, ni les fougères aux larges ombrelles, ni les herbes folles, mais seulement des ronces noires, enchevêtrées, toutes épines dehors. Le froid se saisit de leur être, en même temps qu'un grand sentiment de tristesse s'empara d'eux. Ils reprirent, quelques heures plus tard, le chemin de Saint-Lambert, remportant de leur pèlerinage une impression pénible et de désillusion, presque d'amertume. Le train de 4 heures les ramena à Paris. « Rentrons rue, monsieur, » dit Julie. Le marquis se garda bien de contrarier ce désir. Il lui semblait singulier cependant que Madame Viaud n'allait pas chez elle et ne s'inquiétait pas de savoir si quelque chose de nouveau n'était pas survenu. Ils dînèrent fort mal dans un restaurant de la rive gauche de la Seine. La jeune femme paraissait surexcitée. Elle parlait vite et à propos de tout, comme si le bruit de ses paroles lui apportait un soulagement. Elle se leva plusieurs fois pendant le repas, impatiente, coupant tout à coup son bavardage par un long silence. Puis elle recommençait de parler. « Je me sens un peu nerveuse ce soir. J'aurais besoin d'une distraction violente. Il me semble que si je riais beaucoup, cela me ferait du bien. » Pourquoi n'irions-nous pas voir une pièce gaie ? On donnait à cette époque au Palais Royal une pièce bouffe fort amusante et que tout Paris allait entendre. Installée au fond d'une baignoire, Madame Viaud put, sans risquer d'être vue, s'abandonner à des accès de rire tellement sonores, tellement continus, que beaucoup de spectateurs de l'orchestre se tournaient du côté de la loge. Le marquis ne l'avait jamais vue si joyeuse. Le spectacle fini, maintenant, pour terminer cette bonne soirée et me dédommager de la mauvaise cuisine de ce restaurateur médiocre, emmenez-moi souper dans un bon endroit. Je veux retarder ma rentrée à l'avenue des Champs-Élysées le plus longtemps possible. Si vous saviez combien la maison me pèse. » Charles Viaud arriva le matin de ce même lundi où sa femme partait pour les tilleuls. Sa mission à La Havane, remplie avec succès et terminée plus tôt qu'il ne l'espérait, lui avait permis d'avancer d'un paquebot son retour. Il s'était mis gardé d'en avertir Julie, comptant lui faire une surprise. Dans ses lettres, Madame Viau avait exagéré l'impression de vide que lui causait son absence. Malgré les attentions délicates et les efforts constamment renouvelés de Monsieur de Soutis pour la distraire, l'affection de sa mère, celle de Marguerite et de Valère ayant été impuissantes à lui faire oublier l'exilé. Elle avait écrit ses mensonges beaucoup plus par charité d'âme que pour obéir au besoin de mentir et de détourner les soupçons que sa conduite aurait pu éveiller. C'est l'histoire de tous les criminels qui se trahissent par excès de précaution. Le premier soin de Charles, en mettant le pied sur le pavé parisien, fut de se rendre d'abord, toujours esclave de son devoir, à l'administration des tabacs. Il lui tardait de raconter par le menu le résultat de son voyage et la façon dont il avait agi là-bas. À 11h30, il quittait les bureaux du Quai d'Orsay, reprenait son fiacre pour rentrer chez lui. Au moment de monter, il rencontra à sa porte Valère et Marguerite qui se disposaient à faire une visite à Julie. Il alla au-devant de son beau-frère. « Déjà de retour, lui dit Monsieur Breton, tout joyeux de revoir son camarade. As-tu fait bon voyage et as-tu réussi ?»« Traversé excellente en allant, mauvais au retour, mais ceci n'est qu'un détail. J'avais, pour me consoler, les bonnes nouvelles que je rapporte. Montons vite, je suis pressé d'embrasser Julie. Je te conterai le reste en déjeunant. Elle va être bien heureuse et bien surprise de votre retour, fit Marguerite. » L'entrée de Charles Viau dans l'appartement fut l'objet de l'étonnement de ses gens. Cependant, la femme de chambre s'empressa de lui annoncer que madame était absente. « Absente ? » exclama Monsieur Viau dans une attitude de douloureuse déception. « Mais où est-elle ? » « Madame est partie tout à l'heure avec un petit sac de voyage. Je croyais même que madame allait chez son frère à Rambouillet. Mais puisque Monsieur Breton est là, il est certain que madame se sera rendue à Versailles chez sa mère. » Monsieur Viau, vivement contrarié, donna des ordres pour le déjeuner. Il raconta d'un air préoccupé ses négociations à La Havane et les difficultés vaincues. À 1h, il prit congé de son beau-frère et lui annonça qu'il prenait le train de Versailles pour trouver Julie chez madame Breton. N'était-ce pas là qu'il était certain de la rencontrer ? Pendant ce court trajet, son esprit était assailli par de contradictoires suppositions. Comment se faisait-il que sa femme, si ordonnée, si méthodique, n'eût point dit en partant aux gens de la maison l'endroit où elle se rendait ? Il est vrai qu'elle ne pouvait supposer un retour aussi prochain. Une fois à Versailles, il marcha d'un pas pressé et fut en quelques minutes chez madame Breton. La bonne dame, qui ne s'attendait pas à le voir si tôt, l'accueillit avec force démonstration de surprise et de joie bruyante. Charles l'interrompit net par ces mots. « Où est Julie ? Mais prévenez donc Julie, il me tarde de l'embrasser. Remettons à plus tard vos discours. »« Julie, mais elle n'est pas chez moi. » Et devinant quelque imprudence de sa fille, elle ajouta « Mais j'y pense. Elle est chez son frère, à Rambouillet. Dans sa dernière lettre, elle m'a annoncé l'intention qu'elle avait de lui faire visite, car la pauvre chère petite a été bien triste pendant votre absence. » Le visage de l'ingénieur changea subitement d'expression. Un soupçon épouvantable pénétrait comme une pointe acérée dans son cœur. Il regarda bien en face sa belle-mère et lui répondit en essayant de dissimuler son émoi. « Valère et sa femme sont à Paris, chez moi. »« Pourquoi prendre ces airs de barbe bleue ?» dit madame Breton, essayant de ne pas trahir l'inquiétude qui s'emparait d'elle. « Si Julie n'a pas rencontré chez eux Valère et Marguerite, pour sûr elle est allée chez votre père, c'est là que vous la trouverez. » Rambouillet n'est pas si loin des usines. » Elle mentait, mais ce qu'elle voulait avant tout, c'était gagner du temps et éloigner son gendre pour prévenir sa fille, si elle le pouvait. Charles Viau prit congé immédiatement de sa belle-mère, alla d'une traite jusqu'à la station de voiture du chemin de fer de la rive gauche et se fit conduire à la gare de la rue des Chantiers. 10 minutes après, le train le transportait à Rambouillet, où il tomba sur son père juste à la descente du wagon. Le père Viau, tout surpris, l'embrassa, lui apprit que sa belle-fille n'était pas venue à l'habitation depuis au moins 6 semaines. Ce coup porté amena l'évanouissement de toutes les conjectures qu'il avait faites pour trouver une raison plausible à l'absence de sa femme du domicile conjugal. Le soupçon se changeait en certitude. Il revint d'une traite à Paris, sombre, les traits contractés, et s'enferma dans son appartement. Il était 9h. Lorsque le domestique vint lui rappeler que le dîner était servi depuis longtemps, il le renvoya brusquement, donnant l'ordre formel qu'on le laissât seul. Il sortira dans son cabinet dont il alluma les bougies. Assis devant son bureau, la tête dans ses poings crispés, il demeura là, pendant de longues heures, cherchant le nom de celui qui lui avait ravi l'honneur. De temps en temps, il prêtait l'oreille au bruit des voitures, écoutant avec attention, se figurant par moments que l'une d'elles s'arrêtait à sa porte. Il se levait alors, ouvrait la fenêtre, se mettait au balcon, où une bouffée d'air froid mettait sa fraîcheur sur sa tête enflammée, où les tempes battaient la charge. Il regardait alors l'avenue du côté de l'Arc de Triomphe, puis après vers les Tuileries en ruine, et ne percevait que le bruit sourd des voitures aux lanternes falotes, montant et descendant les Champs-Élysées, et se croisant devant lui dans leur course nonchalante ou rapide. Il resta à cette place jusqu'au moment où le petit jour fit son apparition. Le ciel était splendide, et les étoiles piquées dans sa voûte pâlirent par degrés, pour s'effacer bientôt dans les lueurs incertaines du matin. Le froid eut bientôt raison de sa ténacité. Il rentra dans son cabinet, consulta sa pendule, et d'une main nerveuse mit de l'ordre dans les nombreux papiers dont sa table était couverte. Cette nuit fut pour lui épouvantable. Cependant, il savait gré à son beau-frère et à sa belle-sœur d'avoir quitté sa maison. La solitude, quelque atroce qu'elle fût, lui semblait préférable à la présence inopportune de ce couple heureux, impuissant à soulager la douleur qui le torturait, qu'il voulait garder pour lui tout seul et dont le spectacle était inutile. À 7 heures, il s'habilla. Le visage calme et décidé, il donna l'ordre qu'on attelât, et d'une voix assurée, il dit à son cocher « 7, rue Monsieur ». Il trouva close la porte du marquis. Il était sur le point de se retirer lorsqu'il se ravisa et demanda au portier si Monsieur de Soutis était absent pour longtemps. Monsieur le marquis est parti à la campagne sans nous rien dire. Parti seul, reprit Charles Viot qui remit un billet de 100 francs plié dans la main de celui qu'il questionnait. Monsieur peut garder son argent, Monsieur le marquis est parti seul. Charles s'éloigna, allégé d'un grand poids. Dans le désarroi de son esprit, ses soupçons étaient tombés sur ce galant homme. Il s'en voulait de l'avoir accusé. Il chercha donc, mais vainement, à qui s'en prendre. La force de caractère dont il était armé ne le trahit pas pendant cette journée longue. Il eut le courage de se rendre à la manufacture et d'y travailler. À midi, il passa chez lui, à rien de nouveau. Il écrivit alors une longue lettre à son père, puis une autre à sa femme. Il avait décidé d'en finir avec la vie. Puis il sortit de nouveau, alla chez son notaire, régla lui-même différents comptes chez les fournisseurs. En traversant le boulevard, à la hauteur de la rue de la Michaudière, il s'arrêta au magasin d'armes situé au coin de la rue du Helder. Il demanda des revolvers, les examina un à un, longuement. Embarrassé dans le choix et pour en finir, « Tenez, dit-il à l'armurier, je m'en rapporte à vous. Donnez-moi une arme sûre et ne vous inquiétez pas du prix. » Le marchand saisit parmi tous les pistolets celui qui remplissait les conditions imposées par l'acheteur, un revolver qu'il enferma dans sa gaine et auquel il joignit une lourde boîte de cartouches. « Avec ceci, dit-il tout en rendant la monnaie, vous êtes assuré contre toute agression. Ce n'est pas un joujou que je vous vends, mais un véritable instrument de précision. À 10 mètres, vous êtes sûr d'abattre votre homme. » La nuit vint, les cafés s'emplirent de monde, la foule faisait queue à la porte des théâtres. Ceux-là vont s'amuser, ils ont la vie facile et connaissent le bonheur, pensa-t-il. Il eut un moment l'envie d'entrer. Pourquoi faire? Est-ce que la comédie ou le drame que des hommes fardés, sans conviction, jouaient devant des spectateurs intéressés à la belle humeur ou au chagrin de personnages de convention, se rapprochait seulement de la réalité? Ah, ils étaient bien bons, les auteurs, de combiner l'action de leurs pièces d'événements sortis de leur imagination. Lorsque la vie de tous les jours leur livrait tout fait, des sujets d'épouvantables vérités. Est-ce qu'il y en avait un seul, parmi ces faiseurs de drames, qui put inventer une aussi terrible catastrophe que celle dans laquelle il s'anéantissait? Il erra encore longtemps, plus décidé que jamais d'en finir. Mais une force invincible le ramena jusqu'à sa maison, dans cette maison qu'avait fui la plus perfide des femmes. Il se promena devant ses fenêtres pour leur dire un adieu. La tête levée, il regarda un moment son balcon cloué sur place. Si seulement il avait pu connaître l'amant de cette infâme, comme sa vengeance serait prête. Et d'une main fébrile, dans la poche de son pardessus, Il tournait et retournait l'arme qu'il avait achetée. Tout d'un coup, il la sortit, la dégagea de sa gaine, l'examina attentivement sous la lumière d'un bec de gaz, et déficelant la boîte de cartouches, d'une main tranquille maintenant, il prit une à une les cartouches et les introduisit sans émotion dans les 6 ouvertures du barillet. À ce moment, une voiture de place s'arrêta devant sa porte. 2 heures sonnaient à l'horloge d'un marchand de chevaux, voisin de sa maison. La portière s'ouvrit. Une femme élégante sauta sur le trottoir. Il la reconnut tout de suite. C'était Julie. Madame Villot, la main tendue dans l'ouverture de la vitre baissée, disait tout bas, pas assez cependant pour qu'il ne distinguât point ses paroles. « À demain, mon cher aimé. À demain, et toujours. Ne suis-je pas vôtre ?» Puis elle approcha sa tête de la portière et Charles reconnut Monsieur de Soutis qui déposait un baiser sur le front de la jeune femme. Celle-ci alors se dirigea, rapide, vers la porte cochère, tira le bouton, et elle disparut dans l'ombre, refermant derrière elle le lourd battant. La voiture repartait déjà. L'ingénieur se précipita d'un seul bond à la tête du cheval, qui s'arrêta net. Monsieur de Soutis, croyant à une agression, descendit et se trouva face à face avec Charles Villot. Celui-ci, blanc comme un suaire, leva son revolver, pressa la détente. Le coup partit, et le marquis roula comme une masse, le front percé d'une balle. « À l'assassin !» hurla le cocher, sautant de son siège. Madame Villot rentrait chez elle, entendit le coup de feu et le cri d'alarme. Elle ouvrit, anxieuse, affolée, prévoyant un malheur qu'elle croyait sien, une des fenêtres de sa chambre. Alors, sous la lumière du gaz que déchirait le vent, elle reconnut son mari, qui au même moment, malgré les efforts du cocher, dirigea l'arme contre son cœur, pressa la détente et tomba, sous ses yeux, foudroyé à son tour. Ainsi s'achève, hélas tragiquement, sur le tard, d'Yveline Rambaud.